que les hommes sont moins tendres, affectueux. Et que seraient ces hommes sans une femme à un quotidien? Moi je t'attendrai au bout du monde si tu veux. Je suis ton homme, toi ma moitié. Je croque la pomme pour te garder. Foutez deux, baby. Foutez deux. Un roi n'est pas un roi sans une reine pour conseiller. Un prince n'a pas de quoi sans une princesse à aimer. Donc viens me chercher à deux, on sera plus heureux. Dis-moi, je suis à toi, toi tout pour moi. Rappelle-toi et n'oublie pas. Faut t'aider, baby. Faut t'aider. Ne sais-tu pas que Guenièvre avait Lancelot et Juliette son Roméo, et grâce Kelly et son Albert, d'un Noël l'avait son père. Faut tête deux pour le tango, mais le tango n'est qu'un jeu. Viens danser dans mes bras, ça va twister, tu verras. Chaussettes noires et leur bimbop à lula. Je rêve d'un grand amour pour te murmurer, oui, tout bas. Alors trouve-moi ma chérie, je suis prêt et pour toi. Je suis à toi, toi tout pour moi. Tu es ma joie, je n'ai que toi. Je suis la terre et toi la mer. Je serai le